Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous nous sommes séparés depuis dimanche. Dieu a permis que nous soyons ensemble. Et nous disons que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour cela. Une chose importante que nous devons comprendre. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, et nous remarquons que le souffle de vie est à nous, c'est un signe qui prouve que Jésus n'est pas encore là. Et nous devons comprendre que si Jésus n'est pas encore là, c'est seulement par amour Dieu use de patience envers nous comme il sait que nous sommes imparfaits. Si il venait aujourd'hui, nous allons rater l'enlèvement. Son amour qui veut que chacun de nous aille avec lui dans la gloire. Le Seigneur allonge nos jours sur la terre. Il donne encore l'occasion d'entendre sa parole. Il donne à chacun de nous l'occasion de se repentir. Il donne l'occasion à chacun de nous de mettre sa vie en ordre. Pour que nous soyons réellement sauvés. C'est pourquoi, lorsque nous nous réveillons, nous ne devons pas seulement penser à nos intérêts charnels. Nous tout ce que nous avons dans cette chair est éphémère. Et cela doit disparaître. Même nous-mêmes, nous sommes des créatures du temps. Chacun de nous doit être conscient qu'il est un mensonge. Il est appelé à disparaître un jour. Mais si nous voulons vivre éternellement, il n'y a que la nouvelle naissance qui fait de nous des réalités en Christ. En dehors de Christ, nous serons perdus pour toujours. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, écoutez, ouvrez largement vos oreilles spirituelles, votre entendement spirituel. Demandez au Seigneur de vous faire grâce, de comprendre sa parole, de recevoir la révélation de sa parole. Parce que le salut ne vient que par l'écoute de la parole de Dieu. Ne faisons plus comme lorsque nous étions dans les dénominations. Dans les dénominations, nous sommes liés à des églises. Mais sans savoir pourquoi on y allait. Sans objectif précis. Même lorsqu'on disait, nous allons à l'église pour être sauvés. On ne comprenait même pas cela. Parce que beaucoup d'entre nous croyaient qu'être sauvé, c'est s'unir à une dénomination. C'est travailler pour une dénomination. Être connu des conducteurs de la dénomination. Être apprécié de la dénomination. Tout cela, c'était des ailes à mer. C'est pourquoi nous avons fait toutes ces choses-là. Mais en réalité, on n'a jamais expérimenté le véritable salut. Mais quand Dieu nous fait grâce d'être dans la vérité, dans la lumière pure, du grand soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ, acceptons d'être éclairés et recevons la vie. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Nous saluons en même temps les frères qui sont en ligne. Mon ami Sam Kitoko vous a tous salué au nom de Jésus-Christ. Il m'avait annoncé dans les jours passés qu'il était malade. J'avais complètement oublié. Il a connu une instabilité de la santé. Même quand vous l'avez vu sur les ondes prêcher. Parce que c'est un devoir. Il devait le faire, mais il était toujours souffrant. C'est aujourd'hui qu'il m'a un peu expliqué, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé avec lui, comme moi aussi j'étais très embrouillé. Alors, souvenez-vous de lui dans la prière. Seigneur notre Père, nous sommes réunis ce soir pour écouter encore ta parole. Pour introduire cette parole prophétique. Une parole entièrement appropriée pour l'épouse. C'est cette partie de la parole qui nous différencie de toutes les dénominations. Parce qu'en tant que tes bien-aimés, tu étais obligé d'envoyer ton serviteur, le prophète, pour nous éclairer sur ces choses compliquées et difficiles. Seigneur, ma prière est que toi-même tu descends. Fais grâce à chaque frère et à chaque sœur. Je suis conscient que la parole prophétique n'est pas aisée pour tout le monde. Mais si nous ne comprenons pas cette parole prophétique, une nourriture appropriée que tu nous as envoyée, comment saurons-nous à quelle heure nous sommes? Et comment allons-nous nous préparer pour ton retour? Comment allons-nous comprendre les événements qui se passent dans le monde? Il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que tu l'aies annoncé depuis longtemps. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous sommes ton peuple. C'est toi qui nous a rachetés. Tu n'as pas versé ton sang inutilement. Ton amour qui t'a poussé jusqu'à la mort n'est pas venu pour les anges. Ces paroles, cette parole prophétique n'a pas été écrite pour les anges, n'a pas été écrite pour le païen, n'a pas été écrite pour les religieux, mais c'est pour nous l'épouse, ta bien-aimée. Fais-nous grâce, Seigneur. Ne considère pas nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Fais-nous grâce. Comme tu avais fait avec Abraham, tu lui avais révélé tous les secrets de tout ce que tu ferais à Sodome. Tu n'avais aucune raison de lui cacher les plans de la destruction de Sodome. Et nous croyons, Seigneur, qu'en tant que fils d'Abraham, tu n'as aucune raison de nous cacher. Nous te prions, Seigneur, viens à notre secours et nous glorifierons ton nom. Cela ramènera en nous un réveil pour que nous prenions au sérieux tous les avertissements de la parole de Dieu pour notre préparation. Bénis cette église, bénis ce conducteur, bénis les frères et les sœurs qui sont attachés à cette église, bien qu'ils soient éloignés, que l'onction qui va couvrir cette église et qui sera sur nous pendant tout ce temps que nous allons parler soit aussi sur eux. Merci, Seigneur. N'oubliez pas de faire les miracles. Le plus grand miracle, c'est de changer un pécheur en saint, c'est de changer un fils de l'homme dans un fils de Dieu. Fais-le, Seigneur, parce que tes voix sont insondables. Bénis la parole et sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Te prions ainsi. Amen. Amen. Dans Deutéronome au chapitre 7, Kumbukumbu la Torati surat ya saba. Je prends le verset 6 jusqu'au verset 11. Deutéronome chapitre 7, verset 6 jusqu'au verset 11. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait avec vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles. Il use des représailles. Et qu'on a pisa. Voyez, envers ceux qui l'haïssent. Et il les fait périr. Il ne diffère point entre celui qu'il est. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je t'ai prescrits aujourd'hui et mets-les en pratique. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Un petit conseil. La Bible, Biblia, est Dieu sous la forme de l'Écriture. Ni Mungu mu aina ya maandiko. Chaque fois que nous lisons la Bible, kila mara tunasoma Biblia, chacun de nous doit comprendre que c'est Dieu qui lui parle à travers l'Écriture. Chacun de nous doit savoir que le véritable Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui s'est révélé dans tout l'Ancien Testament comme Jéhovah à Israël, et le même Dieu qui s'est révélé dans le Nouveau Testament, dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous doit comprendre que sur cette terre, Dieu a seulement deux peuples. Dans une main, il tient Israël dans la chair comme une nation. C'est la seule nation de Dieu sur toute la terre. Le Congo n'est pas une nation de Dieu. Les Américains ne sont pas une nation de Dieu. Les Européens, les Indiens, les Chinois ou les Africains en général, les Australiens, les Canadiens, ils ne sont pas peuple de Dieu. Tous ces pays du monde ne sont pas des nations de Dieu. Physiquement, dans la chair, Dieu a un seul pays, il a un seul peuple, un seul pays Israël. Vous voyez, un seul peuple, ce sont les Juifs, les enfants d'Abraham, dans la chair. Mais dans l'autre main, à cause de son amour éternel envers ses créatures, il a choisi aussi parmi les nations un peuple qui devait porter son nom, ce peuple-là qu'on appelle l'épouse, et l'épouse qui est composée des individus de plusieurs nations, il les tient dans sa main comme son épouse spirituelle, mais qui expérimentera aussi plus tard toutes les autres promesses d'Israël dans la chair. En dehors de ces deux peuples, Israël et l'époux des nations ou l'église des nations, Dieu n'a pas d'autre peuple. Et nous ce soir, nous nous sentons heureux parce que nous nous retrouvons parmi les deux peuples que Dieu lui-même s'est choisi. Et nous devons être heureux parce que ce n'est pas Israël qui l'a choisi. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi pour que nous soyons son peuple. Que Dieu vous bénisse. Achetez des grands cahiers parce qu'ici, comme je sais que vous êtes de la nouvelle génération, j'ai pris le Seigneur qu'il me donne le temps d'aller petit à petit. Comme j'attends déjà mon voyage approche. Mes jours sont comptés, je vais arrêter. Je vais faire le voyage. Et au retour, je reprendrai la parole prophétique. Alors, je vais faire comme si j'enseignais à des petits enfants. Les gens qui n'ont jamais entendu. Alors, pour que chacun parvienne à écouter des choses qui sont cachées dans les pas de la Bible pour notre paix et notre bénédiction. Alors, prenez les notes. Et soyez réguliers pour écouter cela. Parce que ce sont des pépites que Dieu vous a données. Que Dieu n'a pas donné à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Avant tout, avant de commencer, je dirais ceci. Le plan du salut d'Israël est entièrement différent du plan du salut des nations. C'est sur ce point que beaucoup de théologiens ont commis une grosse erreur. N'étant pas des prophètes, étant seulement des simples étudiants, avec leur intellect qui étudiait les Saintes Écritures, ils n'ont pas reçu la révélation et la compréhension juste des Écritures prophétiques, comme ils n'étaient pas prophètes. Ils ont mélangé les deux plans du salut. Ils ont mélangé les deux peuples. C'est ainsi que vous voyez les Adventistes du septième jour avec Ellen White. Non, Ellen White n'ont rien compris. Les témoins de Jéhovah qui sont simplement des étudiants de la Bible n'ont rien compris. Ils ont amené de la confusion. Parce que ces deux plans se diffèrent totalement. Dieu traite et sauve Israël en tant que nation. Et le plan du salut pour Israël, Dieu l'avait révélé à Daniel dans les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel ne concernent pas les nations. Les 70 semaines de Daniel renferment le plan du salut d'Israël. et concerne la restauration d'Israël ou le retour de sur son territoire. Et c'est dans ce plan-là où Dieu parle de la destruction de Jérusalem, de la reconstruction de Jérusalem. Vous voyez. Mais tandis que pour nous les païens, nous les nations, le plan du salut est renfermé dans les sept âges de l'Église et le salut des nations est individuel. Dans le plan du salut d'Israël, Dieu traite avec Israël comme une nation. Il les sauve comme une nation. Mais chez nous les païens, Dieu ne traite pas avec les nations. Dieu traite avec les individus. Dieu ne traite même pas avec des familles. Dieu traite avec les individus. Chacun, pour ce qui est des nations, il est sauvé sur la base de sa foi individuelle. Et le salut des nations est entièrement renfermé dans les sept âges de l'Église que Dieu a révélé à l'apôtre Jean. Les 70 mains de Daniel ont été révélées à Daniel. Les sept de l'Église ont été révélés à Jean. Les livres de Daniel est considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. L'Apocalypse, c'est celui qui contient la révélation du Nouveau Testament qui traite, dans lequel Dieu traite avec l'Église. Est-ce que jusque là l'Église est avec moi? Qui a compris jusqu'ici? On peut évoluer? Merci. Accent. Pour ce qui est de la totalité ou de l'entièreté du plan de la rédemption d'Israël, Dieu l'a réparti en 5 points. C'est ce qui nous a été révélé au temps du soir. Quand Dieu révèle la totalité du plan de la rédemption pour Israël, Dieu le révèle en 5 points. Quels sont ces 5 points? Je vous ai noté cela. Prenez. En principe, j'ai toujours aimé, quand je parle de la parole prophétique, que j'ai un tableau. Je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est l'argent qui nous manque. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent normalement être écrite. Quand on écrit, quelqu'un voit, cela s'attache à son mémoire. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de retenir. C'est ce qui va m'obliger d'aller lentement pour que chacun comprenne cela. Dans l'ancien temps, quand on avait les tableaux, je résumais ça au tableau. Quand on était dans cette église-là, je résumais toute la pensée avec les versets. À ce moment-là, même celui qui n'était pas là, il pouvait recopier et prendre le verset et être à la page. Je disais que la totalité du plan de la rédemption pour Israël est résumée dans le 5 points, grand 5 points. 1. Premier point. La dispersion d'Israël parmi les nations. Kusambazwa kwa Israeli katikati ya mataifa. Le premier point, nukta ya kwanza, commence avec la dispersion. Inaanzia na kusambazwa d'Israël kwa Israeli parmi les nations. Katikati ya mataifa. Deuxièmement, ya pili, nukta ya pili, le retour d'Israël dans son pays. Le deuxième point, c'est le retour d'Israël dans son pays que Dieu lui avait donné. Troisièmement, il y a la conversion d'Israël au Seigneur. La conversion. Badilika kwa Israel kwa Bwana. La conversion d'Israël au Seigneur. Israeli anaamini Bwana. Quatrièmement, ya tatu nukta ya tatu, il y a la délivrance d'Israël. Uko ukombozi ya Israeli. Quatrièmement, nukta ya ine, c'est la délivrance d'Israël. Ni ukombozi ya Israeli. Et cinquièmement, na nukta ya tano, le rétablissement rétabli urudishwa du royaume d'Israël. Kwa ukifalme cha Israeli. C'est un royaume qui a existé. Ni ufalme kwa kako. Ce royaume-là a été détruit. Il est au fond de Maria Ribouaka. À cause de leur péché. Sababu ya Zambiabo. Leur péché avait mis Dieu en colère. Zambiabo ilimkasirishaka Mungu. Et sous la colère divine. Jinya kasirani ya Mungu. Pour punir son peuple. Kwa piza taifa yake. Il les avait dispersés dans le monde entier. Alibazambarisha duniani mzima. Et il avait même supprimé son royaume. Na aritondosha ta ufalme yake. Parce qu'Israël a existé un temps. Sababu Israël aliishi wakati moja. Comme un royaume. Sawa kifalme. Et il y a un temps. Na kulikuwa wakati moja. Où il n'a pas existé comme un royaume. Ile ashikuishi tena sawa kifalme. Parce qu'il était dispersé dans le monde entier. Sababu alikuwa mwenye kuzambarishwa duniani mzima. Mais Dieu, comme nous le verrons plus tard. Mungu paka vitaona baadaye. À cause de l'alliance faite à Abraham, leur père. Comme nous l'avons lu dans l'écriture d'introduction, et comme Dieu est fidèle à ses serments, Dieu était obligé de rétablir le royaume d'Israël. Ce sont ces 5 points que nous allons étudier pendant que nous parlons de la parole prophétique. Je reprends. 1. Pour ceux qui écrivent, la dispersion d'Israël parmi les nations. Deuxièmement, Yapili, le retour d'Israël dans son pays. Murudi kwa Israel mwinchi yake. Quand on dit la dispersion, cela signifie mana yayo ni, que Dieu lui-même a chassé son peuple sur le territoire que Dieu que lui-même lui avait donné. Mais après un certain temps, Dieu lui-même va les chercher pour les retourner dans le pays qu'il leur avait donné. C'est ce que nous appelons le retour d'Israël dans sa patrie. Ah, sa patrie, son pays, c'est la même chose. Troisièmement, il y a la conversion d'Israël au Seigneur. C'est vrai. Israël sera converti. Israël, il croira que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qu'ils avaient crucifié, qu'ils avaient rejeté pendant le temps de leur aveuglement. Vous voyez, et ils se convertiront au Seigneur. Ils naîtront de nouveau. Ils recevront le Saint-Esprit. Ils croiront que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Parce que jusqu'à ce jour, bien qu'Israël ait déjà rentré dans son pays, les Juifs ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des individus parmi les Juifs qui croient dans le Seigneur. Mais Israël en tant que nation, jusqu'à ce soir, ils ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Les autres continuent à l'appeler et l'enfant de Marie. Ils ne comprennent pas. Quatrièmement, c'est la délivrance d'Israël. Et cinquièmement, le rétablissement du royaume d'Israël. Donc Israël sera rétabli comme un royaume au temps de David, au temps de Salomon. Voyez. Israël n'était pas un pays comme le nôtre ici. C'est un royaume. C'est pas quand même, vous voyez aujourd'hui, ils sont rentrés dans leur pays avec la nation qu'ils ont rencontrée chez les païens. Ils ont un président qui règne. Raïs. Vous voyez. Mais ils ont un premier ministre qui a tous les pouvoirs. C'est encore une nation qui est organisée comme le reste du monde. Ils ont copié ce qui se passe au monde, ce qui se passe parmi les nations, comme ils avaient vécu longtemps dans les nations, parmi les nations. Mais le royaume lui-même d'Israël sera rétabli dans sa configuration originale. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'Église est avec moi? La dispersion d'Israël parmi les nations. Kwa Israël katikati ya mataifa. Si Israël, kama Israeli, a été dispersé parmi les nations, katikati ya mataifa, il a été chassé arifukuzwa de son propre territoire mubulongo yake mwenyewe que Dieu lui avait donné. Ile Mungu alipatiaka, c'est à cause de leur péché, ni kwa sababu ya dhambi yao. Israël n'avait pas honoré Israeli ashikoshimi yake les paroles d'alliance, maneno ya agano que Dieu avait fait, il est Mungu alifanyaka avec leur père, na baba yabo, et avec eux-mêmes, na bobenyewe. Si Israël, comme Israël, fut chassé de son territoire, c'est à cause de leur péché. C'est à cause de la désobéissance. C'est par manque de la fidélité à l'alliance qu'ils avaient traitée avec Dieu. Agano ile barifanyaka na Mungu. Dieu leur avait donné Mungu alipatiaka une terre sainte. Bulongo takatifu. Sur laquelle ils devaient vivre Mule barupasha kuishi d'une manière sainte. Munamna ya utakatifu. Et Dieu leur avait donné na Mungu alipatiaka des lois saintes. Masheria takatifu. Mais Israël lakini Israeli avait ignoré alisabwa kabisa leur rédempteur Mukombozi wabo qui les avait libérés entre les mains de Pharaon, ariba futoshaka katika mikono ya Faraoni, qui les avait sortis à bras puissants de l'Égypte, ariba toshaka na mkono ya uwezo mu Misri. Israël oublia son Dieu Israël akasaulika kabisa et commença à se comporter nakaanza kujongoza comme les restes des nations sawa mabaki ya mataifa, en imitant l'idolâtrie, kufuatilisha kwa en imitant les abominations des nations, kufuatilisha makufuru ya mataifa, alliant des nations, alliant des alliances avec des nations, en brisant sa loi, en brisant son alliance, cela mit Dieu en colère. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais Dieu avait déjà averti Israël. Quand ils ont noué l'alliance, Dieu n'était pas hypocrite. Mungu ashikwe mtu wa mansura mbili hapana. Non bien-aimé frère. Hapana bapendo banduku. Non bien-aimé sœur. Hapana bapendo badada. Mungu wa kumbingu. Dieu du ciel. Akufuchamiyake Israël. Ne s'était pas caché à Israël. Mungu wa kumbingu. Dieu du ciel. Alimwambia Israël maneno wazi. Avait dit les paroles claires à Israël. Il Agano alifanya nao. Cette alliance qu'il avait fait avec eux. Akula kintu alimfuchika. Il n'y a rien que Dieu avait caché. Ni mtu alipenda. Dieu l'a quand aimé. Dieu aime quelqu'un. Wakati Mungu anapenda mtu. Dieu lui dit. Mungu anamuonesha. La vérité de la profondeur de son cœur. Kweli ya upana ya moyo wake. Dieu n'est pas comme toi et moi des hypocrites. Anasa wewe na mimi. Quand nous faisons de l'alliance des alliances avec quelqu'un. Tunafanya magano na mtu. Il y a de l'ombre dans nos cœurs. Kuko mabimvuri mwa ndani ya mamio yetu. Il y a de l'ombre. Kuko vitu vya kufichama. Dans nos paroles. Ndani ya mamine masemo yetu. Il y a des pièges. Kuko ndani ya mu mamiteko. Dans nos alliances. Ndani ya magano yetu. Ce n'est pas Dieu. Aina vile Mungu eko. Dieu a ouvert largement son cœur. Alifungulaka kabisa. Il a dit toute la vérité à Israël. Aliambiaka kweli yote kwa. Il a dit si vous voulez. Alisema kama unapenda. Que notre alliance demeure. Regarde mes lois. Voilà ce que moi je veux. Voilà ce que j'aime. Si vous respectez ça, vous restez obéissant et vous le mettez en pratique, je resterai votre Dieu. Je vous laisserai habiter ce pays. Je vous ferai du bien. Je vous bénirai. Je combattrai pour vous. Voyez, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, parce que la bénédiction de Dieu est toujours attachée à l'obéissance. C'est lié toujours à l'obéissance. Même aujourd'hui, si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, soyez obéissant à ses commandements. Si vous aimez Dieu, gardez ses commandements, a dit Jésus. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dante est un homme au chapitre 28. Je commence par là, je ne sais pas si je vais terminer. Écoutez comment Dieu dit. pour votre édification. Commencez mais au verset 1. Vous voyez que le verset 1 de Deutéronome 28 regarde comment Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez. Maintenant prenez le verset 62 pour aller un peu plus vite. Vous avez quand vous prenez le verset 58, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique toutes les lois et toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies, c'est-à-dire les fléaux, des plaies grandes et de longues durées, par des maladies graves et opiniâtres, non, qui résistent longtemps à un remède. Donc, Dieu va envoyer des maladies. Bataouez ou Koutunza pour de longues années, mais à Otunziwe. Mais tu ne seras pas guéri. Parce que quand la main de Dieu touche quelqu'un, il n'y a aucun médicament qui peut guérir cela. Il faut que Dieu lui en décide autrement. Donc, par des maladies graves, il y a un couvre sana, naïle, ce qui résiste au remède. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Et même les maladies. Il en bas, ils sont même pas cités aujourd'hui dans ce livre. Après avoir été ainsi nombreux, que les étoiles, Kisha, après avoir été aussi nombreux, que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'Église est avec moi. Est-ce que l'Église est avec moi? Je dis clairement Israël. Dans les premières heures, il parle de la bénédiction et de toutes les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance. Après avoir cité les bénédictions qui seront attachées à lui pendant qu'il obéira, Dieu montre aussi la face de la mort. Il dit, si tu n'obéis pas, si tu désobéis et que tu ne mets pas en pratique toutes mes lois, voilà maintenant les malédictions. Vous voyez bien mes frères. Et après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 62. De même que l'Éternel prenez plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arraché du pays dont tu vas entrer en possession. Voyez comment Dieu parle. Comme j'ai eu le plaisir de vous multiplier, de vous bénir, j'aurai encore le plaisir de vous détruire. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Quand les enfants viennent dans votre couple, dans votre foyer, c'est Dieu qui amène les enfants. C'est Dieu qui agrandit votre famille. C'est une bénédiction de la main de l'Éternel. C'est une bénédiction qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et Dieu dit, comme je prenais plaisir à vous faire du bien. Vous voyez, c'est lui qui est capable de nous faire du bien. C'est seulement notre créateur. C'est seulement notre sauveur. Voyez, mes frères, Dieu a la joie de nous faire du bien aussi longtemps que nous marchons dans ses voies. Aussi longtemps que nous accomplissons sa volonté. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, prenons la décision de faire la volonté de Dieu pour amener Dieu à nous faire du bien, avoir du plaisir de nous faire du bien. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Recevez ces paroles. C'est Dieu qui te parle directement. Nous ne parlons pas ces choses seulement pour Israël, comme de l'instruction pour Israël, comme de l'histoire. Dans ce que nous disons ici, il y a une partie spirituelle cachée qui vous concerne. C'est pourquoi Dieu veut que tu entendes ces paroles, les mêmes paroles qu'il a dites à Israël. Dans le physique, c'est les mêmes paroles qu'il nous adresse dans le spirituel. Si nous demeurons obéissants à sa parole, nous mettons en pratique sa parole, nous faisons sa volonté, le Seigneur aura le plaisir de nous faire du bien, de nous bénir en toutes choses. C'est vrai, frère. 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité. Tes yeux languissants. Ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. C'est-à-dire, tu auras l'incertitude d'exister. Tu ne sais pas. Votre vie sera suspendue. Une âme troublée. Vous voyez, ton cœur agité, les yeux languissants, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et les jours. Tu douteras de ton existence. L'Église est avec moi. Tu douteras même de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur, le froid. Dans le froid. Qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Vous voyez, et l'Éternel te ramènera sur des navires. Des navires, il va te ramener sur des navires en Égypte. Tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis. Comme serviteur et comme servante. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Frère, Banduku, sœur, Badada, est-ce que vous comprenez ça? Eti mkunaelewa hii. Ça, ce sont des paroles claires. Hii ni maneno ya wazi. Que Dieu Mungu dit à Israël. Eko naonesha Israël. Il avertit. Eko namkala mkala. Il dit, regarde la face. Asema angarai kipande. De l'obéissance de l'alliance. Gambo ya kutia. Mais regarde la face. Angarai sa kipande. De la désobéissance de l'alliance. Ya kukosa kutia kwa gano. Et ces choses ici. Na hii mambo hii. Israël les a vécu. Israël aliishi hiyo. Voyez bien mes frères. Unaona wapendo Banduku. Voyez bien mes sœurs, il y a un temps Israël, beaucoup de Juifs avaient même changé de nom pour vivre. Leur vie était incertaine. Et cette parole ici s'est accomplie sur Israël littéralement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous continuerons comme le temps est arrivé à sa fin. Nous allons commencer à partir d'ici. Vous voyez bien mes frères. Les conseils frères que je vous donne. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu reste fidèle à sa parole et l'accomplira exactement comme cela est sorti de sa bouche. Quand Dieu te fait une promesse, Dieu n'est pas un menteur parce qu'il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'a pas raison de te mentir. Il est fidèle à son alliance. C'est pourquoi quand vous faites une alliance avec le Seigneur, respectez vos voeux. C'est pourquoi vous voyez plus tard Dieu dit, Dieu n'aime pas les insensés qui font des voeux et qui ne veulent plus les accomplir. Israël a oublié son alliance. Il a négligé les paroles que Dieu a prononcées lorsqu'il faisait l'alliance. Et même a oublié les vœux qu'il avait fait à l'Éternel pendant qu'il y ait l'alliance. Et ils ont payé. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Lève-nous pour la prière. Qui a compris? Qui a compris? Nani ula nashikia? Ne levez pas les mains comme ça. Mushila mushe tumikono kama mkwe. Qui n'a pas compris? Nani ula shikweleo? jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas encore compris pendant que nous introduisons. Parce que quand on a chiné à couler au moindre, si vous ne comprenez pas le début, ah, chiquier, ça, c'est quoi, t'as chiquier? Quand nous allons commencer entamer, vous allez compter. Ni nana, je chiquier. Qui n'a pas compris? J'ai un devoir. Attends, si ça, c'est votre église, non? Je suis placé pour ça. Si quelqu'un, il y a des gens qui ne comprennent pas, je serai obligé de reprendre. En d'autres termes, je vais demander une autre inspiration pour vous faire comprendre cela. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris? Prions. Merci Seigneur.